espèce à maléfice ou l'effet subtil du cannabis. Prise de son, Marcos Darras, Hélène Langlois, Cyprien de Limerville et Pierre Quintard. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Doria Zénine. Un documentaire tout à fait légal de Lydia Benitzrak. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Barceloneta, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, entre licite et illicite. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, La fabrique de l'histoire, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.